L'auberge maudite par Louis Noir. Prologue. Chapitre 1er. L'attaque à main armée. C'était dans les dernières années de l'Empire. L'automne touchait à sa fin, et les feuilles mortes jonchaient le sol en tourbillonnant sous les grands souffles de bise qui descendaient du nord. Sous la gelée blanche, chaque matin, les immenses plaines de la Champagne prenaient les aspects dénudés des terres qui commençaient à se glacer. Avec le jour tardif, ce manteau de givre se dissolvait en brume épaisse que le soleil pâle perçait à peine vers midi de quelques trouées sans chaleur. Il courait dans l'air de longs frissons précurseurs des rudes hivers, et la nature, chaque nuit, semblait essayer le linceul sur lequel elle allait dormir pour longtemps. Dans cette saison, les soirées sont particulièrement désolantes. Le jour disparaît brusquement, chassé par les brouillards intenses, et l'on passe, sans transition, des derniers sourires de la lumière aux premières tristesses de l'obscurité. Il était 8 heures du soir. Un cabriolet, couvert d'un surtout de cuir, était lancé au trot sur une route de grande vicinalité, conduisant par la traverse à 3, distante de quelques lieues. Une jeune femme conduisait. Seule, les yeux fixés sur le chemin et tâchant de percer les brumes qui rasaient la terre, la voyageuse semblait impatiente de rencontrer enfin ou quelqu'un ou quelque chose au milieu de ces solitudes. « 2 heures, » murmura-t-elle avec un accent étranger, « 2 heures de course, sans voir ni un homme ni une maison. C'est inouï, on se croirait dans nos steppes. » La voiture roulait toujours, et les grincements de l'essieu, mêlés aux plaintes des ressorts, étaient le seul bruit qu'on entendit. Pendant 20 minutes, la jeune femme continua de désespérer de trouver figure humaine, lorsqu'une lueur rougeâtre lui annonça une habitation à grande distance. « Enfin !» dit-elle, et d'un coup de fouet, qui enveloppa sa pommeau le cheval, elle le lança au grand trot. Cette voyageuse, éclairée par les lanternes de la voiture, avait cet élégant de costume qui annonce une femme distinguée. On s'étonnait de la voir en cet équipage sur une route perdue. Le profil aquilin de cette jeune femme, son œil assuré, quelque chose de ferme et de décidé dans son allure, affirmait une énergie virile. Au moment où elle enlevait le cheval en le cinglant, 2 hommes de mine plus que suspects se dressèrent tout à coup d'un fossé et barrèrent la route. La jeune femme les jugea d'un coup d'œil. Sous les rayons des lanternes, ils étaient en pleine lumière. Il n'y avait pas à douter de leurs intentions hostiles. L'étrangère prit dans un sac à sa portée un revolver et l'arma. Sans donner à ces individus le temps de faire la moindre sommation, elle leur cria, en montrant son arme, « Rangez-vous !» Elle passa résolument, les guides aux dents, et de sa main libre, elle fouetta le cheval de 2 coups secs et nerveux qui le firent bondir de douleur et le lancèrent au galop. Les 2 hommes se jetèrent de côté, intimidés par l'aspect du revolver, dont le canon d'acier brillait au feu des lanternes. Le cabriolet passa. À 600 pas de là, l'étrangère ralentit l'allure de son cheval et le remit au trot modéré. Elle était calme, absolument indifférente à l'incident qui venait de se passer. Elle continua sa route, interrogeant toujours du regard la lumière qu'elle avait aperçue au loin et qui se rapprochait peu à peu.